Cinquième partie, chapitre premier, troisième section, les mystères. Pouvons-nous comprendre toutes les vérités de la foi? Non, nous ne pouvons pas comprendre toutes les vérités de la foi parce que quelques-unes sont des mystères. Qu'est-ce que les mystères? Les mystères sont des vérités supérieures à la raison que nous devons croire bien que nous ne puissions les comprendre. Pourquoi devons-nous croire les mystères? Nous devons croire les mystères parce qu'ils ont été révélés de Dieu, qui, étant la vérité et la bonté infinie, ne peut ni se tromper ni nous tromper. Les mystères sont-ils contraires à la raison? Les mystères sont supérieurs et non contraires à la raison, et même la raison elle-même nous persuade de les admettre. Pourquoi les mystères ne peuvent-ils être contraires à la raison? Les mystères ne peuvent être contraires à la raison parce que c'est le même Dieu qui nous a donné la lumière de la raison et qui a révélé les mystères, et qu'il ne peut se contredire lui-même.